ארצות הברית ביל קלינטון הזמין את אהוד ברק, ראש ממשלת ישראל, ואת יאסר ערפאת, יושב ראש הרשות הפלסטינית, לוועידת פסגה בקמפ דייוויד. Bienvenue sur l'Instant Groove. C'est une heure de découverte de la musique électronique, de la house music, du dub à la techno, en passant par les synthétiseurs qui vous feront frissonner de la tête aux pieds. Aujourd'hui, j'accueille un DJ nancéen qui s'appelle Kix. Bonjour Kix, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Nathan, merci beaucoup pour ton accueil, ça va très bien. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, pardon? Eh bien écoute, je t'ai préparé un petit set old school de house music, comme tu l'as dit. Donc principalement qui tourne autour des années 90 et 2000. Tu vas nous régaler. J'espère. Alors, c'est parti. We'll be right back. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Fadjet dans l'émission L'Instant Groove. Quelle fraîcheur, quel soleil. Nous accueillons Kix. Il y a une personne qui doit avoir un regret de ne pas être là ce soir, c'est ma co-animatrice Lucie, petite dédicace à elle. Kix, waouh, j'adore ce que tu fais déjà parce que c'est vraiment ma cam, c'est ce que j'aime. Je ne danse pas d'habitude dès la première musique en fait, donc là je dansais déjà dès la première musique, donc merci à toi. Super, ça fait plaisir. Une petite première question, pourquoi et comment as-tu commencé à jouer de la musique et depuis quand tu en joues? Alors, bonne question, donc il faut remonter en 2004, alors que j'avais 16 ans. Donc j'ai eu vraiment, bon déjà l'amour de la musique m'a été transmis par mon père et puis mon frère. Mon père était guitariste et collectionneur de disques, en tout cas gros amateur de musique, on avait toujours de la musique à la maison. Des vinyles? Il avait une petite collection de vinyles, ouais, avec pas mal de rock, 70s, et aussi un peu de jazz. Franchement, il avait des goûts assez variés, après il a écouté d'autres choses, il s'est assez ouvert aussi, la musique de film aussi. Mmh. Et voilà, donc il a donné le goût à mon frère, et mon frère me l'a retransmis après. Donc mon frère, lui, il a commencé par le rock aussi, le grunge, tout ça, les trucs des années 90, le rock. Donc je l'ai suivi un petit peu, mais voilà. Et un jour, il est arrivé avec une cassette de rap, le premier Wu-Tang. Mmh. Et ça, moi, j'avais peut-être 12 ans. Et comme lui comme moi, ça nous a vraiment chamboulé, quoi. Ouais, retourné. Mmh, mmh. Et voilà, donc là c'était hip-hop. Moi dès mes 12 ans, j'avais des cassettes de... Ok. Et tu fais de la musique, toi, un instrument ou pas du tout Bien sûr, oui. Alors c'est venu après, mais assez vite. Donc quelques années dans le hip-hop. Et donc j'ai voulu commencer à en faire, en fait, tout simplement. Incroyable. Donc je me suis, voilà, sur mes 16-17 ans en première, j'ai voulu en faire, quoi. Ok, au lycée. Ouais. Et quelles sont tes influences musicales majeures? Mes inspirations musicales majeures, désolé, je suis en train de faire la transition en même temps. Oui, vas-y, pas de soucis. On est comme à la maison ici. Yes, ça marche. Bon, on verra bien ce que ça donne, normalement il y a une petite intro sur ce morceau. Alors mes inspirations musicales majeures, donc comme je te l'ai dit, donc c'est le rock d'abord, mais bon ça c'était vraiment les tout débuts, ensuite le hip-hop, et puis bien sûr j'ai voulu comprendre comment était fait le hip-hop, et donc je suis revenu aux années 70, j'ai découvert Curtis Mayfield, Marvin Gaye, toutes ces choses, donc je suis revenu aux années 70, et donc j'ai découvert la funk, le jazz, la soul. Et puis, donc je me suis vraiment plongé, quand j'ai voulu faire du hip-hop, dans cette musique-là, j'ai pas le choix, parce que le hip-hop qui m'intéressait déjà, c'était le hip-hop des années 90. Mm-hmm. Et le hip-hop des années 90 épuise vraiment toute son essence dans les années 70. Donc voilà. Qu'est-ce que tu nous joues là actuellement comme morceau ou celui d'avant quels sont les titres? Alors, le tout premier, c'était un Kerry Chandler et Dennis Ferrer. D'accord. Voilà, donc des grosses références. Hein. Le premier, c'était un morceau de 2001, que j'ai numérisé cet après-midi de vinyle. Mais voilà, c'est fraîchement numérisé pour vous. Et d'ailleurs, merci à toi. Dont le nom est Peace in the Middle East. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça, parce qu'il est très d'actualité. Par rapport à ce qui se passe en ce moment en Palestine, bien sûr. On en parlera après de ce fait que j'ai l'impression que tu es un artiste un peu engagé, vu que tu joues par rapport à ce que tu m'as confié, le Peace in the Middle East, par rapport au conflit israélo-palestinien. Alors, pas tant, en vrai. Je ne suis pas tant que ça engagé, je ne vais pas le faire m'inventer, mm-hmm. être militant... Mais si tu peux l'être, tu le feras comme tu l'as fait. Bien sûr, ça n'empêche pas d'avoir des valeurs et de défendre des idées. C'est juste que je pense qu'il y a des gens qui sont un peu plus combatifs là-dedans. Très bien. Après, si je peux, à ma manière assez simple, essayer de changer. Tu l'as fait très bien. Voilà. Donc ensuite, juste pour finir sur ta question, je suis passé sur un Kim English, qui est une chanteuse décédée. D'ailleurs, malheureusement, une diva de la house music, une grande. Remixé par Maurice Joshua, pardon. Je crois que c'est un artiste de Chicago, il me semble, je crois. Donc, pareil, un morceau de 2001. Et là, on passe à Frankie Feliciano, qui est un grand artiste de house producteur, pardon, de New York. Et là, c'est un morceau beaucoup plus deep, très très deep, avec des percus et un peu de saxo qui arrive. Et ben, on est parti pour ce magnifique morceau. Merci à toi, Kix. Avec plaisir. chers auditeurs, vous êtes toujours sur l'Instant Groove. J'espère que vous appréciez ce moment dans votre voiture ou peu importe, car on voyage actuellement. Où on voyage actuellement, Kix ? Eh bien là, on voyage a priori en Europe, parce que c'est des artistes contemporains, enfin de notre époque. Incroyable. Ouais, qui. En fait, j'ai découvert ce morceau hier, et c'est très rare que je joue des choses que je viens de découvrir, mais j'ai kiffé tout de suite, et quand j'ai un coup de cœur comme ça, c'est le moment de partager. Ouais. Bravo, parce que franchement, j'avais l'impression que c'était un morceau très ancien, ouais. Tu vois, et c'est ça qui est assez fou. J'ai vu que tu produisais de la musique. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Quel style ? Depuis quand ? Comment ça t'est venu ? Bon, ça, tu nous l'as expliqué via tes parents. Ton frère, pardon, et ton père. Ouais. Et ben, donc voilà, donc j'ai commencé par le hip-hop. Et puis, j'ai fait mes études à Bordeaux, en fait. Et là-bas, j'ai rencontré un pote qui m'a fait découvrir. On était au skatepark parce je faisais du skate. Et il écoutait Kerry Chandler au casque. Et il m'a prêté son baladeur, j'ai envie de dire, son Walkman, ouais, son, comment dire, son lecteur MP3, et voilà, il m'a mis un Kerry Chandler et il m'a fait faire le tour du skatepark, et là je me suis dit ok, c'est génial, c'est puissant, c'est vrai, ouais, c'est génial, et en fait c'était, je crois, Kerry Chandler Rain, un truc comme ça, un morceau de 2006, et je me suis dit, vu que j'étais à fond dans le hip-hop des années 90, pourquoi pas aller écouter ce que faisait cet artiste dans les années 90. Donc en fait, là, je me suis mis vraiment à rechercher de mon propre chef, en tout cas. Tu voulais les pépites. Voilà, c'est ça, je voulais les pépites, mais old school, quoi. Je voulais revenir voir le début. Et donc là, c'est un univers qui s'est ouvert, quoi, vraiment. Mm-hmm. La house de New Yorkaise et tout ça, donc. Et puis actuellement, on peut tout trouver, quoi. On est vraiment... c'est pas grave. On est vraiment dans une possibilité où maintenant la musique que tu veux rechercher, tu peux la trouver, tu peux trouver l'histoire. Est-ce que c'est ça aussi qui t'intéresse dans la musique ? Alors, bien sûr, en fait, tout à fait, on est dans une génération assez particulière parce qu'on a quand même Internet. Enfin, je veux dire, on a grandi avec ça. Et je pense que par rapport aux générations d'avant, qui souvent pouvait aller à la Fnac ou chez le disquaire pour choper des trucs, c'était une autre approche géniale aussi, et certainement finalement la meilleure pour le style dans lequel je me suis mis. Mais on va dire que nous, c'est notre approche avec Internet, avec Discog, avec YouTube, avec on va dire les sites, les applications de peer-to-peer, mais bon, pas trop en parler. mais en vrai, on a pu découvrir des trucs incroyables, facilement, en fait. Et donc voilà, c'est avec cette approche-là que je me suis mis à diguer, quoi. Et du coup, niveau production, tu produis depuis combien de temps ? Ah oui, c'est la question. Oui, c'était ça. Mais c'est pas grave, on est là ici à la maison. Alors depuis 2004, sur Fruity Loop, ouais. Et après, je me suis acheté une MPC 1000 en 2005. Qu'est-ce qu'une MPC 1000 pour nos auditeurs ? Alors c'est une Groovebox, ça s'appelle. C'est un sampler séquenceur. Donc c'est une boîte qui n'a quasiment pas de son dedans, contrairement à un synthétiseur. Et tu samples, en fait, tu rentres ce que tu veux dedans. Incroyable. Que ça soit des synthés, des passages d'autres morceaux, hein, c'est quand même ça à la base, hein, en tout cas. Et puis, voilà, des percus, et tu fais des rythmiques, et t'assembles tout ça avec des samples, voilà. Trop bien. Depuis 2004, donc, t'as sorti combien de P, combien de disques ? Alors, j'ai sorti mon premier disque en 2013, j'en ai sorti 7 depuis. Incroyable. 7, ouais, en tout cas, sur 7 disques. Après, des fois, il n'y a qu'un morceau. Oui. En vrai, des EP à moi, il n'y en a que 3. Ok. Et toujours dans le même style house. Ouais, par contre, toujours dans le style house. J'ai rien sorti en hip-hop, parce qu'à cette époque, voilà, je ne sortais pas de musique. Et voilà, donc. On va faire une petite question un peu plus fun. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur un de tes DJ sets qui arrivait à... Ouais, j'en ai une, mais celle-là, je vais pas oser en parler parce que c'est trop honteux. Non, on va plutôt parler des positives qui sont. Alors, par exemple, en 2012, je commençais à jouer à Paris justement ce genre de son, house des années 90, parce que c'était assez frais de jouer ça à Paris à cette époque. Et encore maintenant, je pense que oui. Ouais, ouais, même le public si, est averti. C'est toujours possible, bien sûr. Mmh. C'est toujours cool, même si la scène évolue, on va dire, et c'est normal. On en parlera après. Ouais. Et donc, pour l'anecdote, en tout cas, donc je jouais Rouge Pigalle, et là, il y a Jeremy Underground, qui est un des artistes qui m'inspire le plus, un très grand digger, et qui a, enfin bref, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est venu me voir. Il était accompagné de Gunther, le gars qui a le label Rutilance, qui est vraiment un label important de House, et de Jeannerette, qui maintenant est vraiment très en place sur la scène House internationale. Donc j'étais très content d'avoir ces trois personnes, et j'avais un peu la pression de jouer quand tu les vois dans le public à deux mètres de toi, en train d'attendre le prochain disque que tu joues. Voilà. Et t'as pu leur parler un peu dans cette soirée? Ouais, ouais, bah bien sûr, c'est devenu des amis. C'est génial. Tous, ouais. Incroyable. Mm. Et bah, c'est une super anecdote. On va. Et dis-moi. Ouais, bah, juste pour rebondir là-dessus, Jeannerette a sorti mon dernier EP donc, qui était là l'an dernier, donc sur Joule. Donc tout ça a porté ses fruits, j'ai envie de dire, a donné des belles choses derrière, en tout cas pour moi, ouais. T'es sur leur label, du coup? Ouais, sur le label de Jeannerette et de Gunther Rutilance, ouais. Parce que j'ai sorti un disque chez lui. Ouais. Trop bien. Eh ben, bravo, Kix. On va continuer à t'écouter. Qu'est-ce que tu vas nous proposer, là, maintenant? Eh ben, écoute, bonne question. Je vais peut-être me concentrer sur... Non, il n'y a pas de ça. Sur le prochain morceau. J'ai une petite idée. Je crois que ça va être un morceau japonais, pour le coup. Ah. Mais de House, toujours. La dernière personne qui nous a mis du japonais, c'était Ever. Ah ouais, avec de la funk japonaise, c'était incroyable. Super mix qu'il a fait, je l'ai écouté, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, un très bon DJ ancien, un ami, et sa sélection était vraiment super intéressante. Et d'ailleurs, il m'a inspiré pour ce set de ce soir, faire quelque chose qui me correspond vraiment, plutôt que des fois en soirée, on s'adapte un petit peu au public, on change un petit peu, et là je me suis dit non, ce soir tu joues ce que t'aimes, comme je pense Ever l'a fait quand il s'est passé. Et ben c'est le but, et ben écoutons Kix, chers auditeurs. Alors, Kix me disait hors antenne, je veux à tout prix parler de cet artiste parce qu'apparemment il t'inspire beaucoup. Ouais, effectivement, il y a deux artistes qui m'ont vraiment retourné, chamboulé quand j'ai découvert. Voilà, exact. Enfin, il y en a d'autres, mais vraiment deux, si je pouvais en citer que deux. Donc, Kai Chandler, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Yuji Takenouchi qui fait ce morceau-là, morceau qui s'appelle Afternoon. Et quand on a découvert ça, je sais pas, il y a 7-8 ans, ça m'a complètement chamboulé. Ouais. Chamboulé, ouais, vraiment, c'est, à la fois c'est deep, c'est, ça change vraiment de ce qui se fait habituellement en house. Parce qu'on sent qu'il y a une patte totalement différente. Ouais, totalement différente, comme souvent les Japonais savent l'apporter. Et ouais, ce gars est un génie, depuis je ponce sa musique. Il sort souvent des petits albums, des petits trucs. Alors ça, c'est sorti en 97, pardon. Ah oui, mais il continue à faire des choses, il a fait pas mal de musique de jeux vidéo, enfin, il revisite ses morceaux, c'est vraiment un artiste assez incroyable. Incroyable, merci beaucoup Kix, on continue justement à l'écouter. Yeah. Ah, c'est bon, là. Là, on est parti au nightclub, là. J'ai une petite question pour toi. Avec quel artiste tu aimerais collaborer, qu'il soit décédé ou pas, mais un rêve, tu vois, le B2B un peu de tes rêves. Alors, ça change tout, là, tu viens de dire qu'il soit décédé ou pas. Un artiste en vivant, par exemple. Ouais, alors, ouais, parce que... On peut faire les deux. Je pensais au vivant. Ça marche aussi. Alors, vivant, je pensais à... La personne dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, Jeremy Underground, qui est lui pas un musicien finalement, c'est un label. Mais on va dire que travailler avec lui, ça serait vraiment pour moi l'aboutissement de. Voilà, parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément, qui a été vraiment moteur dans le retour, le revival house des années 90. Et surtout un excellent DJ en fait qui m'a beaucoup ouvert. Que ça soit au niveau de la house, mais aussi au niveau du rare groove des années 70. C'est juste un excellent DJ et lui, il a eu un label. J'aurais adoré en tout cas sortir sur son label, même s'il est un petit peu éteint aujourd'hui. Mais ça, on sait jamais. Ça viendra plus tard. Oui, voilà, c'est beau de rêver. Voilà. Et c'est beau d'espérer toujours. Et puis dans les anciens artistes, je sais pas. J'aurais adoré travailler avec une chanteuse d'époque. Ah oui. Pour en donner une. Non, je sais pas. Bah, au pire, réfléchiras, ouais. On en reparlera après. Et justement, tu parles de chanteuse là, ça me vient tout de suite. Dans tes disques, est-ce que tu as fait chanter des personnes? Est-ce que tu aimerais le faire ou. Alors, jamais. Et oui, bien sûr, j'aimerais beaucoup. En fait, dans mes disques, je suis parti justement par cette contrainte. En fait, mon style, à la base, c'est vraiment le garage house. Mm-hmm. C'est ce que j'aime le plus. Et le garage house, c'est avec des chants, ça vient, il y a un petit côté R&B, quoi. Ça vient. Mm-hmm. Et le problème, c'est que c'est très difficile, je trouve, de trouver des chanteurs, chanteuses, chanteurs, même des musiciens. Bon, maintenant, un peu moins, je pense. Mais il y a 10 ans, c'était hyper compliqué de trouver. Et en plus de ça, la façon de chanter a pas mal changé aussi. Et pour trouver quelqu'un qui chante un petit peu à l'ancienne, pour faire un peu son à l'ancienne, c'est une galère. C'est compliqué. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai fait des sons un peu plus deep. Mais vraiment là, sur mes prochains projets, ça serait de revenir au son garage. Avec vraiment revenir avec ce son-là, avec des chants et tout ça. Et je suis impatient d'écouter ça. Et on parlait tout à l'heure de disquaire. Et ce week-end, moi, j'ai découvert les vinyles. Je me suis accroché à une table de vinyle comme ça, et j'ai passé les vinyles, et je commence à avoir cette petite addiction. Ouais. Est-ce que tu aimerais en parler là de ce phénomène un peu vinyle? Qu'est-ce que toi t'as envie d'exprimer là-dessus, par exemple? Alors j'ai un rapport assez particulier là-dessus, un positionnement assez particulier, c'est-à-dire que je collectionne des disques depuis peut-être 16 ans. Beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Mais en fait, aujourd'hui, je dirais presque que je m'en fous. Ok. Dans le sens où, en fait, maintenant, le numérique et le support actuel, on va dire le plus en phase avec notre temps. Oui. Et surtout, en fait, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est la qualité du son. Oui. La qualité du son, le numérique a encore une meilleure qualité. C'est clair. En fait, c'est une question très vague. Oui, oui. Si c'est, enfin, très vaste, en fait. Mm-hmm. À partir des années 88, la plupart des enregistrements ont été faits en numérique. D'accord. Donc... un CD va t'apporter... la même chose, quoi. Voilà, ouais. Même sans l'écrivement, Après, il y a des masterings qui ont été mieux faits sur vinyle et tout ça. Il y a peut-être certains disques qui vont sonner quand même un peu mieux parce qu'ils ont été mieux masterisés ou... voilà. Enfin, bref, c'est une question très... très... Oui, on pourrait, je pense, faire une émission complète sur ça. Exactement, ouais. Voilà, donc j'adore le vinyle. J'en achète toujours, mais c'est parce que je n'ai pas le choix de les acheter en vinyle. D'accord. Mais maintenant, je joue en numérique. Là, le disque que vous entendez, joue depuis des platines numériques. Et je les ai numérisées, j'ai dû les retravailler, enlever les pop, les couper, tout ça. Alors que si je les avais chopés en numérique, ça aurait été beaucoup plus simple. Moins de travail. Ouais, voilà. Ça aurait déjà été masterisé. Voilà, donc voilà, j'ai un rapport particulier à ça. J'adore les disques. Mais j'aime aussi beaucoup les waves, la qualité pure numérique. Oui, je peux comprendre. Et, par contre, l'objet vinyle, il est incroyable. Et On va écouter en fait de la musique tout simplement. Kix, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ok, ça marche. Allez, c'est parti. chers auditeurs, vous êtes toujours sur l'Instant Groove. Il y en a vraiment une qui doit regretter de ne pas être là, c'est Lucie, je tiens à le dire. Kix, quel est ton univers musical? Tu souhaites en parler et je voulais te poser justement la question. Dis-nous en plus. Alors, vraiment ce qui m'intéresse beaucoup dans cette musique, ce qui m'a vraiment plu à travers tous les styles dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, que ce soit le hip-hop, la soul, la house, en fait c'est le côté vraiment soulful de tous ces côtés-là, de toutes ces musiques-là. Et donc le côté plein d'accords, le côté avec des voix, le côté positif en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui se perd un peu, donc j'ai voulu être un peu militant là-dedans. Mmh. Et je trouve dommage que la musique club ou la musique de fête soit souvent associée à des univers un peu sombres, même s'il y a des choses excellentes, et ça m'arrive aussi de jouer des trucs un peu plus vénères ou un peu plus dark. C'est cool aussi, mais je trouve que il n'y a presque plus que ça. Je partage aussi. Moi, j'ai redécouvert cet univers aussi grâce à cette émission. Parce que voilà, là, je suis en train de danser dès le premier, deuxième morceau. C'est sûr qu'avec des sons un peu plus dark, ça aurait été plus compliqué. Et oui, je partage un peu ce que tu dis là. Je pense que c'est important que des personnes comme toi essayent de garder cet univers et de le partager encore. Et puis, c'est solaire, c'est beau. Exactement. C'est ce que j'essaie de promouvoir aussi. On va passer par la question un peu chiante. Avec quoi cette musique, selon toi, se transforme en nourriture ou en un verre qu'on déguste? Avec quoi on mange et avec quoi on écoute plutôt cette musique comme repas et boisson? Parce que je suis un grand cuisinier et j'adore boire aussi. Donc dis-moi selon toi. Alors moi je suis pas un excellent hôte, mais je pense qu'avec un petit cocktail ça peut vraiment le faire. Hein. Je suis assez classique, hein, mais un petit mojito ou une petite bière. Moi en tout cas personnellement je me prends un petit picon bière. Ah. Ça peut le faire, ouais. Vive la région. Et niveau nourriture qu'est-ce qu'on peut se faire avec ça? Une petite du sucré, une petite tarte à la pomme. Allez, c'est très bon, ça me va très bien, c'était parfait. Tarte à la Mirabelle, tiens, pour être encore plus dans la région. Là, on est local, quoi. Est-ce que tu as un petit plaisir coupable en musique à nous partager? La question piège, ouais. Je penserais... Muriel Dac, je sais pas si tu connais. Ah non, je connais pas du tout. Dis-moi plus. Le tube de 85, c'est voilà une chouette nana, hein, qui a fait un tube fait en 85 qui s'appelle Tropique. Peut-être que tu connais. Tropique dans mon cœur, change pas le moteur. Ok, non, si c'est bon, ça me dit quelque chose. Quelque chose, ouais. Mais ouais. Je vais le réécouter en rentrant chez moi. Je pense que il doit être solaire aussi celui-là. Ouais, c'est le feu, vraiment. Incroyable. Ouais, donc, j'adore Muriel Dac. Elle a fait d'autres trucs sympas aussi. Donc, voilà, j'invite les auditeurs à écouter tout ça. On va parler plus de toi maintenant et de ce que tu vas faire prochainement. Où serait ta prochaine soirée? Est-ce que tu as une prochaine soirée prévue, une date? Tout à fait, oui. Ça va être avec Lazintri, avec qui je travaille depuis 2 ans et demi. Donc Lazintri, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une asso nancéenne qui est active depuis 7 ans. Je crois qu'on avait fêté les 7 ans. Moi, j'ai rejoint depuis 2-3 ans. Ils m'avaient invité au JDM, dernièrement à Nuance, leur festival. Et donc là, on sera à l'Ostra le 16 mars. Donc ça va être vraiment top. Là, ça c'est un All-Star Lazintri, donc que des DJ Lazintri, il n'y a pas de guest. Trop cool. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Pour finir, sur quelle plateforme on peut retrouver ce que tu fais et sous quel pseudo? Mon pseudo Kix, oui. Bien sûr, toujours. Je pense que pour moi, ma plateforme de prédilection, c'est YouTube, pardon, mais après ça dépend des gens, leur plateforme qu'ils préfèrent, beaucoup sont sur les plateformes de streaming genre Spotify et SoundCloud, par exemple. Voilà, ouais, donc en fait je suis sur toutes, hein, voilà, après c'est un peu le bazar sur celles comme Apple, ouais, le plus simple sera Spotify, YouTube et SoundCloud. KIX, vous pourrez retrouver ça là-haut. Il y a une tradition dans cette émission, c'est on finit toujours par un mantra. Voilà, une chose qui te, que tu as envie de partager aux auditeurs. Par exemple, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ça pourrait en être un, par exemple. C'est la question piège. Hein. Ouais, c'est là, ouais. qu'est-ce que je peux dire Vive la house. Non, tout simplement... écoutez-vous, soyez vous-même et kiffez. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. C'est très simple, franchement. C'est très simple, mais ouais. C'est très bien. Merci, Kix. Merci, c'est un honneur de t'accueillir dans cette émission. Vraiment, j'ai adoré. J'ai dansé du début à la fin. Merci à toi, Kix. Merci beaucoup, Nathan. Merci aux auditeurs. Ça fait très plaisir de pouvoir s'exprimer. Et on reste encore un peu, car on va rester encore 5 minutes à écouter Kix. Bonne soirée.